Elle se rappelait les visites de petite mère au parloir du couvent, la façon dont elle lui tendait le sac de papier plein de gâteaux, une multitude de petits détails, de petits faits, de petites tendresses, des paroles, des intonations, des gestes familiers, les plis de ses yeux quand elle riait, son grand soupir essoufflé quand elle venait de s'asseoir. Et elle restait là, contemplant, se répétant dans une sorte d'hébétement. Elle est morte. Et toute l'horreur de ce mot lui apparut. Celle couchée là, maman, petite mère, madame Adélaïde, était morte. Elle ne remuerait plus, ne parlerait plus, ne rirait plus, ne dînerait plus jamais en face de petit père. Elle ne dirait plus « Bonjour, Jeannette ». Elle était morte. On allait la clouer dans une caisse et l'enfouir, et ce serait fini. On ne la verrait plus. Était-ce possible? Comment? Elle n'aurait plus sa mère. Cette chère figure si familière, vue dès qu'on a ouvert les yeux, aimée dès qu'on a ouvert les bras, ce grand déversoir d'affection, cet être unique, la mère, plus important pour le cœur que tout le reste des êtres, était disparue. Elle n'avait plus que quelques heures à regarder son visage, ce visage immobile et sans pensée. Et puis, plus rien, rien, un souvenir. Et elle s'abattit sur les genoux dans une crise horrible de désespoir. Et, les mains crispées sur la toile qu'elle tordait, la bouche collée sur le lit, elle cria d'une voix déchirante, étouffée dans les draps et les couvertures. « Oh maman, oh ma pauvre maman, maman !» Puis, comme elle se sentait devenir folle, folle ainsi qu'elle avait été, dans ses tenues de fuite à travers la neige, elle se releva et courut à la fenêtre pour se rafraîchir, boire de l'air nouveau qui n'était point l'air de cette couche, l'air de cette morte. Les gazons coupés, les arbres, la lande, la mer, là-bas, se reposaient dans une paix silencieuse, endormis sous le charme tendre de la lune. Un peu de cette douceur calmante pénétra Jeanne. Elle se mit à pleurer, lentement. Puis elle revint auprès du lit et s'assit en reprenant dans sa main la main de petite mère, comme si elle l'eût veillée malade. Un gros insecte était entré, attiré par les bougies. Il battait les murs comme une balle, allait d'un bout à l'autre de la chambre. Jeanne, distraite par son vol ronflant, levait les yeux pour le voir, mais elle n'apercevait jamais que son ombre errante sur le blanc du plafond. Puis elle ne l'entendit plus. Alors, elle remarqua le tic-tac léger de la pendule et un autre petit bruit, ou plutôt, un bruissement presque imperceptible. C'était la montre de petite mère qui continuait à marcher, oubliée dans la robe jetée sur une chaise au pied du lit. Et soudain, un vague rapprochement entre cette morte et cette mécanique qui ne s'était point arrêtée raviva la douleur aiguë au cœur de Jeanne. Elle regarda l'heure. Il était à peine 10h30, et elle fut prise d'une horreur terrible de cette nuit entière à passer là.